de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbéchour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Nuit spéciale, cinéma des cahiers. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Pascal Bonitzer et Thierry Jousse. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous retrouvons pour cette deuxième nuit spéciale Cinéma des Cahiers à la veille du palmarès du 69e Festival de Cannes. La semaine dernière, dans la première nuit Cinéma des Cahiers, nous nous étions intéressés au contexte dans lequel étaient nés en 1951 les Cahiers du cinéma et aux premières années de leur existence autour de Jacques Doniol-Valcroze et de la grande figure de la critique que fut André Bazin, à la génération des jeunes cinéphiles, les jeunes turcs Hitchcocko-Oxien qui menèrent aux Cahiers la bataille de la politique des auteurs, s'opposèrent au cinéma estampillé qualité française avant de devenir la nouvelle vague, Romer, Truffaut, Chabrol, Godard, Rivette. Dans cette deuxième nuit, toujours en compagnie de Pascal Bonitzer et de Thierry Jousse, nous poursuivrons ce survol de l'histoire de la revue et du cinéma. Il nous mènera de la fin des années 60 jusqu'aux années 90. Au cours de cette nuit, nous entendrons entre autres Visconti, Truffaut, Joseph Cosma, Marcel Daliot, Jean Doucet, Henri Langlois, Jean Renoir, Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, Marguerite Duras, Jacques Rivette, Serge Danet, Wim Wenders et Olivier Assayas. Pascal Bonitzer, écrivain, scénariste, cinéaste, vous avez été rédacteur au Cahier du cinéma. Thierry Jousse, réalisateur vous-même, producteur sur France Musique, vous avez été rédacteur en chef des Cahiers de 1991 à 1996. À la fin de la première nuit, nous étions quittés en 66 avec Jacques Rivette et La Religieuse. Jean Narboni et Jean-Louis Comolli sont à la tête des Cahiers du cinéma après Rivette. Les Cahiers, ce qui leur a été reproché, avaient tenu jusqu'alors la politique à distance. Elle y fait son apparition. Qu'est-ce qu'on lisait dans les Cahiers dans les années qui précèdent 68, Pascal Bonitzer? Dans les années qui précèdent 68... Vous étiez alors jeune lecteur des Cahiers? J'étais jeune lecteur des Cahiers. Enfin, j'ai été jeune lecteur des Cahiers, oui. Très assidu jusqu'en 1964 et moins après, quand la formule des Cahiers jaunes, qui avait, je sais pas pour moi, une espèce de classicisme fascinant, a cédé la place à la formule plus clinquante des éditions Philippaki, quand Philippaki a repris les Cahiers. Et que les Cahiers ont cessé d'être les Cahiers jaunes, puisqu'ils ont changé de couleur à chaque numéro. Néanmoins, effectivement, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un critique des Cahiers, et que quelques années plus tard, à ma grande surprise, je me suis mis à y travailler. Y avait la découverte à ce moment-là du cinéma que la Nouvelle Vague avait influencé. Cinéma mondial, jeune cinéma italien, le cinéma novo brésilien. Il y a eu cette espèce de choc qu'a consisté le film de Glauber Rocha qui s'appelait Terre en transe, par exemple, Terra em transes, et que j'ai vu moi-même effectivement avec beaucoup de fascination, qui était un cinéma très très libre, à la fois narrativement, léger dans ses moyens et plus foutraque, enfin, si on veut, que le cinéma qui avait précédé. Bon, il y avait aussi les premiers films de Bertolucci. Enfin, voilà, c'est tout ça dont les Cahiers rendaient compte. C'est-à-dire l'explosion, en fait, d'une génération de jeunes cinéastes qui faisaient sauter les verrous du cinéma narratif traditionnel. C'était essentiellement ça. Alors, il se trouve que c'était un cinéma qui était en partie politisé. Par exemple, Terre en transe, c'est un film politique. C'est aussi une époque qui précédait immédiatement 68 et qui était effectivement une époque extrêmement, disons, de troubles, dans la... qui était dans la... post, disons, lutte de libération coloniale et qui était aussi marquée par la guerre du Vietnam, par exemple. En fait, la jeunesse se politisait énormément et ça a marqué souterrainement les cahiers jusqu'au moment de 68, qui a été évidemment un moment... disons de bascule, parce que il y a eu l'attaque frontale de Malraux contre Langlois, et Langlois était à la fois un totem et un monument auquel on ne pouvait pas toucher sans que ça touche profondément disons tout le cinéma français, et je pense que ça a été le coup d'envoi effectivement d'une sorte de révolution interne à l'intérieur des cahiers, mais enfin, je veux dire, qui a gagné en même temps toute la société. Donc les cahiers ont été forcément marqués par la lutte pour le maintien de Langlois à la Cinémathèque. L'affaire Langlois, qui était en février 68, donc qui a été les prémices du coup d'envoi de mai 68, où d'ailleurs on trouvait aussi Cohn-Bendit dans les manifestations pour le soutien de Langlois. Et ensuite, mai 68 a été évidemment a été un événement qui a considérablement secoué tout le cinéma français, puisque la nouvelle vague s'est voulue partie prenante du mouvement, que Truffaut a fait interrompre le Festival de Cannes en mai 68. Enfin, donc, c'était des choses qui ont évidemment retenti profondément, forcément, sur les cahiers. Pascal Boyne-Désert, vous arrivez au cahier en 1969. Ils sont encore pour peu de temps dans le giron de Philippe Aki. À quoi ressemble la revue dans l'immédiat après mai ? La revue ressemble à... je ne sais pas, à une sorte de friche, enfin de champ qu'on relaboure dans tous les sens, puisque... les cahiers remettent en cause, en réalité, tout leur soubassement théorique de l'époque basinienne, c'est-à-dire Bazin, on sait, était le chantre de l'anti-montage, et c'est le moment justement où les cahiers redécouvrent les vertus du montage avec l'intérêt pour les films politiques, c'est-à-dire Eisenstein, le formalisme russe. Mais pas les cahiers tout seuls, si on veut. C'est-à-dire, il se trouve que le formalisme russe est lié aussi à la à l'intérêt théorique de la littérature à l'époque et de la pensée pour la linguistique structurale, pour Roman Jakobson, pour des choses comme ça. Et il y a des revues. Il y a une revue qui s'appelait Change, qui voulait faire concurrence à Telle Quelle, qui avait fait un numéro spécial sur le montage, et ça avait retenti profondément sur les cahiers du cinéma. Et du coup, la revue Telle Quelle, qui tenait absolument à garder la prééminence dans le champ de la théorie de la littérature, et qui voulait pas laisser passer les gens de la revue Change, qui était où se trouvaient des gens comme Jean-Pierre Faye et Claude Ollier, qui était un ami des cahiers, écrivain, on lançait une attaque contre les cahiers via une revue plus ou moins éphémère qui s'appelait Cinétique, éthique avec un H, qui était dirigée à l'époque par notamment par Jean-Paul Fargier. Et donc, ce qui se passait dans le champ de la littérature a retenti sur les cahiers, et ça a profondément, influé sur notre politique. Enfin, je dis notre, a posteriori. Moi, je n'ai pas beaucoup lu les cahiers de cette époque-là, parce que j'étais pas encore en âge de les lire, en tout cas au moment en direct, et ensuite, a posteriori, même si j'ai pu avoir accès à ces numéros-là, c'est vrai que j'ai été moins peut-être attiré par cette période spécifiquement, disons, on va dire, qui se poursuit alors d'une manière... Je pense Pascal y reviendra, plus radical ensuite jusqu'en 73. Et j'avoue qu'effectivement, je suis resté un peu à distance de ça, parce que moi, je suis de la génération d'après, où disons une génération un peu intermédiaire, où il y a à la fois le goût de la politique, mais en même temps un retour quand même plus à la cinéphilie. Et du coup, et puis c'est vrai que ça demandait un peu plus de bagages théoriques de lire les cahiers à cette période-là, parce qu'il y avait aussi une, voilà, le bagage, on se l'est créé, hein, c'est pas, on l'a l'attendais pas forcément. Non, j'imagine, mais il me semble aussi. Alors moi, j'avais 22 ans, 23 ans, j'étais pas. Non, enfin, bon, c'est vrai que je sortais de philo, mais enfin. On va dire qu'il y a une sorte de furia un peu théorique quand même à cette période dans les cahiers et ailleurs d'ailleurs qui est assez passionnante historiquement et peut-être pas forcément évidente à relire 30 ou 40 ans plus tard, voire même 20 ans plus tard. Donc c'est un peu ça l'idée, je veux dire, de à la fois de fascination pour quelqu'un comme moi qui arrive après, en se disant il s'est passé un truc que j'ai raté et en même temps, bon, voilà. Et en même temps, c'est avec une difficulté à s'y référer de manière vraiment très concrète et très directe. Mais j'avais l'impression aussi que, ça, c'est pas moi qui pose la question à Pascal Bonitzer, qu'il y avait eu aussi un petit compagnonnage avec le Parti communiste avant que les cahiers basculent, disons, dans le gauchisme et le maoïsme. Oui, pourquoi? Parce que, tout simplement, les cahiers, enfin, qui ont été déstabilisés par cette attaque, puisque il y a eu des articles écrits dans la revue Cinétique, des interviews avec Marcelin Plenet et Philippe Solers, qui étaient très violents contre, à la fois contre le cinéma, en général, globalement, considéré comme un instrument idéologique hérité de la perspective de la Renaissance, enfin, quelque chose comme ça. La caméra était considérée par tel quel comme un instrument dédié à la représentation qui était honni par tel quel au profit de quelque chose qui s'appelait le texte avec un grand T qui voulait passer au-delà de la représentation. Tout ça nous a à la fois beaucoup troublés, d'abord parce qu'on s'y attendait pas, parce que notre intérêt pour la revue, le numéro spécial de la revue Change était innocent en quelque sorte, et du coup on s'est en fait on s'est trouvé devoir s'expliquer avec les gens de tel quel. On a fait un entretien avec Marcelin Plenet et on s'est laissé un petit peu non seulement déstabilisé mais du coup influencé. Il se trouve que la revue telle quelle à l'époque entamait un compagnonnage avec le Parti communiste français, que ça a influencé certains de parmi nous de la rédaction. On était influençables, voilà. Et que la revue s'est, disons, s'est laissée entraîner dans des choses, dans des colloques, voilà, avec une revue. Parce que le Parti communiste avait encore à l'époque, ça paraît aujourd'hui très étrange, mais avait à l'époque des magazines et des revues intellectuelles. Par exemple, une revue qui s'appelait La Nouvelle Critique, qui s'intéressait, disons, à la linguistique, à des choses comme ça, là. Et où il y avait des intellectuels du Parti communiste français qui étaient semblaient accessibles à la théorie, en général. Bon, il y avait évidemment quelqu'un comme Althusser qui avait une importance aussi, une influence très très forte dans l'université. Tout ça formait une espèce de bouillonnement. Et il y avait donc il y avait des colloques qui se tenaient souvent à Cerisy, auxquels tel quel la revue Change et les Cahiers du cinéma ont participé. Moi, j'étais un de ces colloques. C'était une période quand même de grand foisonnement intellectuel. Et tout ça formait, si on veut, une espèce de compagnonnage informel. C'est-à-dire que on se trouvait dialoguer de façon plus ou moins polémique avec des intellectuels du Parti communiste. Il y avait notamment quelqu'un qui s'appelait Jean-Patrick Lebel qui avait voulu mêler ses idées à la question justement de la caméra héritière de la Renaissance. Et on s'était trouvé polémiqué avec lui. Ce glissement vers le politique mènera les cahiers au complet isolement théorique et idéologique qui a failli leur être fatal. Bah, c'est-à-dire, comme on était dans, on suçait la route telle quelle, si on veut, on a suivi aussi les virages, parce qu'il y en a eu, évidemment. Il y a eu des virages, il y a eu notamment ces virages en épingle à cheveux, qui a été la rupture violente de telle quelle avec le Parti communiste et... Puis le virage, on peut le dire, maoïste. La revue a suivi ce virage, différemment, en essayant de dépasser même tel quel sur sa gauche, et on a failli finir dans le ravin. Je file la métaphore, là, vous voyez. Ce que moi je trouve assez fascinant, avec le recul, et encore une fois, sans avoir été du tout partie prenante, mais c'est le fait qu'une revue fondée sur des signatures individuelles et sur la politique des auteurs, donc quelque chose de très individué, on pourrait dire, de très singulier, se soit trouvé à ce moment précis, entre, disons, dans les 72-73, sur un mode d'énonciation qui est devenu entièrement collectif et où il n'y avait même plus de signataires des articles. Bon, il n'y avait plus non plus de photos, mais ça c'est encore une autre histoire, mais il n'y avait plus non plus de signatures. C'est-à-dire que c'était une signature collective et du coup, c'est très paradoxal, je trouve, pour une revue comme Les Cahiers, même si, évidemment, on en comprend parfaitement les raisons théoriques, historiques, à ce moment-là, d'être arrivé à ce stade-là de disparition, au fond, de l'auteur, finalement, l'auteur presque de l'auteur de film et de l'auteur de la signature d'un article. Oui, mais on n'était pas les seuls, parce que c'était aussi l'époque, je veux dire, on sentait que c'était quelque chose, disons, qui titillait beaucoup de gens, puisque, par exemple, pour prendre une signature célèbre, Godard a voulu lui aussi disparaître comme nom dans quelque chose de collectif, enfin de pseudo-collectif, qui s'appelait le groupe Ziegavertov. À l'époque, Godard ne faisait plus de films de Godard, il faisait les films du groupe Ziegavertov. Donc, on était dans une sorte d'esprit du temps. On peut dire que Godard a failli perdre aussi beaucoup de choses dans ce groupe Ziegavertov, qui était en fait une sorte de binôme avec Jean-Pierre Gorin, mais un garçon sympathique par ailleurs, mais qui n'était pas tout à fait un aussi grand cinéaste que Godard. À propos de Godard, je trouvais assez intéressant de lire le dernier livre, je crois qu'elle n'a pas publié depuis, de Anne Wiazemski, donc qui fait suite au précédent où elle racontait sa rencontre avec Godard, puis au précédent encore où elle fait ce tournage avec Bresson. Mais dans le dernier livre qu'elle a écrit, elle parle des années qui vraiment, enfin des moments qui précèdent 68 et qui et de 68 et de ce qui suit et au fond d'une rupture entre eux, mais aussi de la manière dont, pour faire écho à ce que disait Pascal Bonizère, dont Godard bascule vraiment dans un autre monde et d'une certaine manière renonce à son statut de star, parce qu'il était devenu une star visiblement dans les années 60, enfin même dans les universités américaines et ainsi de suite, donc il pouvait faire une sorte de détournée presque, et on voit comment il remet, enfin au fond il renonce à ça de façon extrêmement violente, quoi, et comment effectivement voilà, il bascule vraiment ailleurs dans une autre histoire qui est celle du gauchisme, si on veut, et de même si La Chinoise est un film très ambigu là-dessus, je trouve, parce que c'est pas non plus un film d'adhésion absolue au gauchisme, mais c'était avant. Donc voilà, et donc je trouve que c'est sans doute pas un grand livre de littérature, mais c'est par contre un livre très intéressant sur ce moment-là de l'immédiat après 68, on pourrait dire, quoi. Pour préciser, là ici, on parle, disons, d'un moment qui était 1971. C'est en 1971 que ce glissement vers l'ultra-gauche et vers cette tentative de disparition du nom, voire de la chose, des cahiers s'est produite. Qui durera jusque dans les années 73, à peu près. Oui, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, une question s'est posée. D'abord, de quoi parlait-on? Et est-ce qu'on parlait de reconstruire un parti révolutionnaire en France, ou est-ce que on parlait de cinéma? Et puis aussi la question de la survie, parce qu'évidemment la perte des lecteurs a été très importante et les cahiers commençaient à éprouver tout simplement des difficultés énormes à paraître. De ces années follement politiques des cahiers, n'y a-t-il vraiment rien à retenir? Les réflexions théoriques d'alors ont-elles été totalement vaines, un temps purement perdu? Pascal Bonizer. Je sais pas, j'ai pas de... Je pense qu'à un moment, on s'est égaré. C'est-à-dire, on s'est égaré tout simplement parce que... Enfin, on. Les cahiers de l'époque se sont égarés en ce sens que... En voulant, d'une certaine façon, surenchérir sur la revue telle qu'elle et son maoïsme hystérique, ils se sont mis sous la coupe d'un politique qui avait décidé de refonder le parti communiste marxiste-léniniste dont la France avait besoin et que les cahiers seraient son organe favori. Et quand on a fait ça, évidemment, certains d'entre nous, dont moi, se sont dit qu'on déconnait complètement. On déconne. Bon, quand on déconne, on déconne. Il faut arrêter de déconner. C'est vrai que non, mais juste pour compléter, dans les années, on va dire 69, 70, 71, bon, après, on ne relit pas forcément les textes tous les jours, mais il y a encore des choses quand même assez passionnantes. Une chose sur Young Mr. Lincoln, par exemple, de John Ford. Ça, c'était un petit peu avant. Oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Mais du coup, c'est essentiellement en 72, 73 que là, ça devient vraiment asphyxiant. Parce que même à la lecture, c'est-à-dire où la revue devient vraiment un organe, oui, comme tu disais, politique, et où, au fond, elle devient vraiment littéralement illisible et invisible aussi par la même occasion. Et voilà, et avec la disparition aussi de toute image, qui est aussi très paradoxale pour une revue de cinéma, qu'elle n'était plus vraiment tout à fait. Au programme, nous entendrons Jean-Marie Straube et Daniel Huillet. Les Straube, avec Godard, ont été les cinéastes de référence des années politiques des Cahiers. Avoir valorisé comme ils l'ont fait le travail des Straube, n'est-il pas à mettre au crédit des Cahiers de cette période, Thierry Jousse? Ça, oui, je pense que si. Je pense que oui, on peut dire que les Cahiers, évidemment, par cette période, enfin, dans cette période-là, on ratait un certain nombre de choses. Bon, c'est pas vraiment un secret de le dire, mais en revanche, ils ont effectivement, ils ont été fidèles à Straube et Godard, et c'est vrai que le rapport à Straube a été assez important, et que du coup, le cinéma de Straube, qu'on en pense ce qu'on veut, enfin de Straube et Huillet, puisqu'il faut pas oublier Daniel Huillet quand même, qui a son importance dans l'affaire, là, qu'on en pense ce qu'on veut, c'est un cinéma qui a compté, qui continue à compter quand même dans ses parties. Pour moi, je pense que des films comme Non réconcilié, Chronique d'Anna Magdalena Barr ou Moïse Aron, par exemple, sont des films qu'on peut continuer tout à fait à voir aujourd'hui et qui restent des films des grands films. Donc là-dessus, je pense que Straube n'était pas tout à fait sur la ligne des Cahiers de cette époque-là. J'ai l'impression qu'il suivait un chemin quand même assez individuel et que c'était pas tout à fait le clone des Cahiers, si je puis dire. Enfin, je ne sais pas, peut-être que Pascal Bonizer pourrait me contredire, mais voilà. Mais moi, je pense que oui, je pense qu'en tout cas, c'est quelque chose d'important. De toute façon, à cette époque-là, qui est d'ailleurs une époque qui transcende l'époque spécifique dont on vient de parler, c'est-à-dire le basculement de 71, qui est... Les Cahiers étaient fascinés et attirés par la radicalité. Il y avait peu de cinéastes aussi radicaux que Straube et Huillet. Non réconcilié est un film absolument fascinant, qui reste fascinant, en raison aussi de son opacité. Il y avait aussi des films plus courts, des films plus brefs, comme Major Camouf de Straube et Huillet, qui étaient des films qui avaient la densité et l'opacité d'un objet très compact, je dirais, comme une naine brune, pas un trou noir tout à fait, mais qui attirait beaucoup. Disons, dans la période la plus politique des Cahiers, on n'a jamais perdu de vue ces deux-là, c'est-à-dire le groupe Tikhavertov, Godard et Straube Huillet. Il y avait quand même d'autres cinéastes qui même s'ils n'ont pas été partie, enfin, même si les Cahiers n'ont pas été partie prenante dans, disons, 72-73, mais je pense à deux cinéastes qui quand même ont compté pour les Cahiers un peu avant et sans doute un peu après. C'est par exemple Robert Kramer, qui a quand même, bon, qui lui venait des États-Unis, d'un gauchisme américain, qui a fait comme un film comme Ice ou ensuite Milestones, qui ont des films qui sont vraiment, qui ont compté pour les Cahiers à cette époque-là. Ou je pense à Oshima, sur lequel Pascal Bonizer a pas mal écrit, qui était aussi dans une période, fin 60, début 70, assez théorique et C'est à la fois un radicalisme formel et un radicalisme politique. C'était ça qui... Ces deux choses existaient ensemble. Donc ça, c'est des cinéastes qu'on comptait aussi, même si, bon, voilà, ils ont un peu disparu pendant un moment, dans la période la plus dure des Cahiers, mais quand même, ils étaient là de façon directe ou indirecte. Suivre les Straube ou Godard, ce n'était pas forcément pour tout le monde, à l'extrême gauche, la bonne ligne politique à suivre à cette époque. Mais les Cahiers n'ont par exemple jamais rien concédé à la fiction de gauche. C'était quoi cette fiction de gauche, française ou italienne? Pourquoi les Cahiers s'y sont-ils farouchement opposés? Peut-être avant de laisser parler Pascal Bonizer, il y a quelque chose dont parle Jacques Rivette dans l'archive qui sera diffusée dans cette nuit, qui me paraît assez bien résumer la question, c'est-à-dire que c'est sur la question de la certitude et de l'incertitude, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire qu'au fond la fiction de gauche a la certitude d'avoir raison et elle s'adresse qu'à des gens qui sont déjà convaincus, on pourrait dire, et elle ne remet pas en cause la question de la représentation, c'est-à-dire que c'est quelque chose au fond qui est une sorte de véhicule pour une idéologie, le représentant, va dire les représentants les plus typiques à cette époque, c'est plutôt Costa-Gavras ou Boisset, on va dire, qui sont en Italie, et Elio Petri qui est peut-être un plus en quête sur un situation Petri, je un citoyen de tout ce je trouve Petri plus intéressant parce que finalement quand on voit les films de Petri, c'est un peu plus un petit peu plus mouvant que ça. Bon, mais effectivement, il participe de ça. Donc sur cette question-là, moi je suis assez partie prenante de ce que les Cahiers ont pu dire à l'époque, c'est-à-dire je pense que ça continue à être une vraie question si on l'actualise à différentes époques. Je crois d'abord que ça nous plaisait pas esthétiquement. C'est un film comme Z qui a été très très très grand succès, qui était, je veux dire, animé d'excellentes intentions et donc qui décrivait un attentat politique sous une dictature contre un leader de gauche, incarné par Yves Montand. Et il y avait tout ce cinéma-là. On trouvait ça lourdingue et Elio Petri aussi, c'est pas la subtilité incarnée, même si c'est un cinéaste dont les films, je pense, sont visibles aujourd'hui, comme ceux de Costa Gavras d'ailleurs. Mais il y a un côté sarcastique et chez Petri qui le fait un peu échapper, disons, à la vérité, disons, à l'idéologie de la vérité, on pourrait dire, quoi. Oui. C'était justement un cinéma qui manquait de radicalité, qui manquait de dedans, voilà. Donc ça pouvait pas plaire à l'époque. Et ça me plaît toujours pas. Dans le numéro spécial Situation du cinéma français paru en 81 pour les 30 ans des Cahiers, vous écrivez, Pascal Bonitzer, nous avons pu nous tromper, nous aveugler, nous raidir, manquer des événements de cinéma, sans doute, nous avons pu être injustes, ceux qui, se targuant de leur immobilisme gestionnaire, se gaussent de nos errements, ne se doutent pas de ce qu'il en coûte de refuser de gérer un nom, de faire le vide, de simplement bouger, en un mot, de décevoir. Pourquoi décevoir? Que vouliez-vous dire? Et pourquoi était-il nécessaire de refuser de gérer le nom Cahier du cinéma? D'abord parce qu'un nom, c'est lourd à porter, quelquefois. On peut prendre l'exemple de Godard. Je pense qu'à l'époque du groupe Ziegler-Vertov, ils commençaient à trouver que le nom de Godard était lourd à porter. Tout simplement. Et que il suffit pas de porter un nom. À un moment, il faut le risquer. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a manqué exactement à l'époque? Je pense que les Cahiers ont manqué, par exemple, le nouveau cinéma américain. On voyait pas les films américains. On a manqué toutes sortes de signatures intéressantes qui se levaient à ce moment-là dans le cinéma américain, puisque Hollywood aussi a été transformé au fond. Par cette époque, par la fin des années 60, par 68, et par le nouveau cinéma. Et ça, alors là, pour le coup, on l'a complètement manqué. Moi, ce qui me gêne peut-être le plus sur cette période-là, encore une fois, sans y avoir été, et puis non, c'est toujours facile de juger a posteriori, c'est pas mon propos d'ailleurs de juger, c'est la question, encore une fois, de l'individu et disons de tout ce qui a un rapport avec la complexité psychologique, sentimentale, et ainsi de suite, qui peut tout à fait être en écho avec d'ailleurs des choses beaucoup plus larges, hein, c'est pas sur l'idée d'un cinéma, enfin d'un quelque chose de refermé sur lui-même, et je pense, bon, La Maman et la Putain, qui est aussi un film que les Cahiers ont en partie manqué, puisqu'il est sorti de 73. Moi, j'en ai rendu compte. Mais effectivement, mais oui. J'étais le seul et j'aurais pu mieux en parler. Oui. Mais donc, voilà, donc disons, c'est un film qui est maintenant une sorte d'emblème de cette période-là et qui correspond quand même à une idée, malgré tout, de même si c'est un film qui est très en écho à l'après 68 et à un certain nombre de problèmes qu'on pourrait qualifier de politique malgré tout, ça, il y a quand même cette idée qu'il y a un moment où c'est quand même la complexité des sentiments qui est en jeu et bien d'autres choses encore, mais que ça part quand même de ce noyau-là. Et je dirais, moi, c'est peut-être là-dessus que j'aurais eu le plus de difficultés a posteriori, encore une fois, par rapport à cette période-là des Cahiers, où on sent bien le renoncement. Et ça, c'est sans doute vrai à un moment donné, de toute avant-garde ou de toute radicalité, de toute forme de radicalité. À un moment donné, il y a une volonté d'assaise, on pourrait dire, qui fait qu'on renonce à quelque chose de soi-même qui est, voilà, quelque chose qui a quand même à voir avec la complexité et, on va dire, pour aller très très vite, parce que j'aime pas tellement le mot, mais enfin, la psychologie, quoi. Après les Straubes, nous entendrons Marguerite Duras. Pascal Bonizère, dans le même article que je citais à l'instant, vous écrivez que la revue a toujours été par goût minoritaire et amatrice de marge et de ce qui est hors cadre, comme l'aurait dit Eisenstein. Straub, Duras, Godard, mais aussi Kramer, Eustache, Ackermann, Garel, d'autres en Allemagne, dans le monde, plus auteurs qu'on ne l'a jamais été dans le cinéma, n'est-ce pas par cette marge, par ces minoritaires, que le cinéma est resté vivant à cette époque, que les cahiers sont revenus à la surface ? Pascal Bonitzer. Écoutez, j'ai rien à ajouter. Je l'ai dit. Vous voulez que je fasse ce commentaire ? Des parutions aléatoires, donc, des lecteurs, la perte des lecteurs, des abonnés, les caisses vides. 73-74, c'est Serge Danet et Serge Toubiana qui reprennent en main une revue moribonde. Comment les deux Serges s'y sont-ils pris pour les faire renaître, ces cahiers ? Alors, Pascal Bonitzer. Serge Toubiana est entré dans la revue en partie par moi. Il venait de la politique. C'était un étudiant qui s'intéressait au cinéma, mais qui était aussi qui avait un militant d'un groupuscule qui s'appelait VLR, qui était un groupuscule maoïste. Et il a été l'un des premiers à se rendre compte que le gourou maoïste sous la coupe duquel les cahiers étaient tombés menait les cahiers droit dans le mur, et son récent passé politique lui permettait de ne pas être intimidé par lui. Serge, c'est autre chose. Il avait eu un parcours beaucoup plus sinueux, mais il était entré très tôt au cahier. Ensuite, il avait fait un voyage en Inde qui avait beaucoup marqué. Il avait été malade. Il avait été en Italie. Il avait été revenu au cahier à peu près à l'époque où moi j'y entrais. Et c'était quelqu'un qui avait une culture cinéphilique immense, beaucoup plus que Toubiana. Mais à eux deux, je crois qu'ils ont permis, disons, au cahier de se ressaisir. Et je pense que Serge Toubiana a été quand même pour beaucoup, disons, dans le l'électrochoc qu'il nous a fallu pour, en gros, chasser Lou Gourou dont je parlais. Et ensuite, eh bien, ce binôme a fonctionné comme il pouvait pour essayer de faire rentrer les cahiers dans la vie du cinéma, tout simplement. À partir, malgré tout, de choses qui ne sont pas en complète contradiction avec ce qui avait été écrit dans les cahiers, non pas en 72-73, mais disons un peu avant, quoi. Et c'est-à-dire on sent, voilà, qu'il y a un retour non pas à la cinéphilie au sens classique du terme, enfin, disons, voilà, à la possibilité d'aller voir ce qui se passe dans le cinéma aussi, à rencontrer aussi des personnes, des choses, des gens extérieurs, parce qu'il y a aussi Foucault qui joue un rôle à ce moment-là. Alors voilà, c'est-à-dire qu'on a fait des coups à ce moment-là, c'est-à-dire, on a décidé de s'attaquer après, disons, le cinéma de fiction de gauche qui avait été celui de la période précédente. On a décidé de s'attaquer à un cinéma qui, d'une certaine façon, en prenait le contre-pied et la mode rétro, c'est-à-dire l'anti-rétro. Les films de Cavani comme Portier de nuit ou le film de Mal, par ailleurs, pas un mauvais film du tout, La Combe Lucien, qui revisitait la période de l'occupation, en marquant les ambiguïtés, voilà. Et on a voulu, on a fait un numéro spécial, disons, qui s'appelait Anti-Rétro, effectivement, où on a pris contact avec Michel Foucault pour parler de tout ça. Michel Foucault était assez fasciné par un film comme La Combe Lucien, mais il avait un petit peu des choses à dire. Par ailleurs, Michel Foucault ne connaissait pas grand-chose au cinéma, contrairement à son ami Gilles Deleuze. Enfin, en tout cas, c'est par ce biais-là, par le biais de cette rencontre avec Foucault, par le biais de cette critique de la mode rétro, du film de Cavani, etc., on a commencé à reprendre pied dans le monde du cinéma. Jean Renoir était le grand absent de la première de ces deux nuits cinéma des cahiers. C'est avec lui que s'ouvrira le programme de cette seconde nuit. En 1974, alors que les cahiers tentent de s'en sortir, Renoir a 80 ans, il vit aux États-Unis et ne tournera plus. Dans l'émission que l'on entendra, Truffaut dit qu'en ce début des années 70, les films ressemblent plus aux films de Renoir que les films qui se tournaient à l'époque de Renoir. Thierry Jousse. Je trouve ça plutôt vraiment intéressant, mais je ne sais pas à qui il pense en particulier. Mais en tout cas, ça veut dire, en fait, ce qu'il veut dire aussi, surtout, c'est que Renoir était très en avance sur son temps et qu'au fond, c'est vrai, quand on voit La Règle du jeu aujourd'hui, on s'aperçoit, par exemple, que c'est un film extrêmement rapide dans son rythme, dans son tempo, et certainement beaucoup plus rapide que la moyenne des films de cette époque-là. Et qu'il y a, quelque chose d'instable en permanence. Enfin, il y a quelque chose qui est jamais figé, jamais dans le rapport, dans un rapport pesant au décor ou même au sentiment, à la psychologie, qui fait qu'effectivement, sans doute que ça ressemble probablement plus au cinéma qui allait se faire à partir de la nouvelle vague et des années 60, et que d'ailleurs Renoir, je crois, dit à un moment donné que lui-même se sent beaucoup plus proche. Voilà, c'est ça. Donc du coup, il y a quelque chose qui résonne de façon sans doute assez contemporaine à cette période-là, oui. Renoir était le patron. Après lui, y en a-t-il eu un autre ou d'autres ? Pouvait-il y en avoir d'autres ? Bresson, René, Romère, Truffaut, ou alors, même si le mot patron ne lui va pas, n'est-ce pas le nom de Godard qui domine le cinéma depuis les années 60 ? Non, Pascal Bonnizère. Je ne crois pas. Je crois que à la fin des années 60, il y avait un certain nombre de cinéastes auxquels on pouvait se référer comme à des valeurs, comment dire, phares. Je crois qu'aujourd'hui, les lumières se sont multipliées. On peut aborder le cinéma par des biais extrêmement différents. Il y a aussi le fait que le cinéma n'est plus tout seul. À l'époque, il y avait le cinéma et la télévision, c'était pas grand-chose. Aujourd'hui, le cinéma est quelque chose à l'intérieur d'une sphère qui est beaucoup plus vaste, qui est l'audiovisuel. La consommation des films ne se fait plus du tout de la même façon. On ne passe plus exclusivement par la salle de cinéma, même, disons, on n'y passe plus que minoritairement. On regarde les films sur en streaming sur Internet, on regarde les films sur son écran vidéo, on regarde les films à la télévision, enfin voilà. Bon, il y a d'autres façons d'aborder le cinéma. Il n'y a pas que le cinéma. Le cinéma américain, par exemple, le cinéma hollywoodien est devenu quelque chose de très très sclérosé et le plus souvent répétitif, avec des préquels et des séquelles de succès. Mais il y a d'autres choses. Il y a les séries où des talents se révèlent et qui sont intéressantes, etc. Donc, les pôles d'attraction sont beaucoup plus divers qu'ils n'étaient à l'époque. J'ai l'impression aussi que ça dépend des moments. Il n'y a plus, parmi les cinéastes que vous citiez, oui, je crois qu'il n'y a pas eu un saint patron, entre guillemets, unique, mais il y a eu des moments où c'était, par exemple, Truffaut était remis en évidence par des gens comme Desplechin, à un moment, non pas qu'il avait disparu, mais enfin, disons, il a redit à quel point Truffaut, finalement, est important pour lui, et du coup, avait été important pour le cinéma tout court, mais à d'autres moments, ça avait pu être Piala, je crois que vous ne l'avez pas cité, mais bon, René peut-être un peu moins, parce que c'est son cinéaste assez à part, qui est peut-être moins influent, mais voilà. Et puis on peut dire que ça passe aussi à certains moments par, je sais pas, Tarkovsky ou David Lynch, pour prendre des... Ou peut-être David Fincher aujourd'hui, j'en sais rien, mais donc par des cinéastes qui sont pas non plus des cinéastes français. Mais il y a quand même toujours un besoin de se référer à quelqu'un, enfin une figure, si ce n'est d'autorité, du moins un peu tutélaire, qui à un moment donné fascine des gens dans un... Mais ça dure pas forcément très très longtemps, je dirais. C'est plutôt des phases, et il me semble la difficulté aujourd'hui par rapport à ça, sur la question de l'histoire des cinémas, c'est comment des gens de 15 ans peut-être pas, mais de 20 ans, disons, pour aller très très vite, se réfèrent effectivement à un cinéma comme celui de Renoir, qui est maintenant quand même dans une toute autre époque. Est-ce qu'ils y trouvent leur compte ? Parce qu'il faut pas oublier quand même que Renoir, même pour la génération des années 70 et tout, c'était quand même encore très proche. Il était vivant, même s'il faisait plus de films, il était... C'était pas le Moyen-Âge non plus, quoi. Alors que là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ça, pour moi, la grande interrogation, c'est ça. C'est-à-dire, oui, enfin, comment on se réfère à ce monde qui est un peu un monde d'avant, quand même. Murnau était mort, et Romère, pour Romère, c'était une référence capitale. Non, c'est pas une question d'être vivant ou pas, mais disons que c'était quand même 20 ans. Oui, mais pour Romère, c'était 20 ans plus tard, quoi. C'est-à-dire, c'était quand même en 1950 que Murnau est... Enfin, même s'il a continué à adorer Murnau, mais enfin, disons, il y avait quand même... C'est pas un éloignement dans le temps. Le cinéma commence à vieillir, on pourrait dire, et du coup, l'histoire commence à s'étirer. Et le rapport à l'histoire, me semble-t-il, est plus compliqué aujourd'hui avec l'espèce de... Comment dire, d'efflorescence de tout ce qu'on peut trouver partout, notamment sur Internet. J'ai le sentiment moment que la question de l'histoire est devenue plus complexe qu'elle ne l'était, me semble-t-il, à cette époque-là. Oui, enfin, cela dit, pour moi, c'est comme dans tout art, la connaissance des classiques est quelque chose d'indispensable, d'essentiel, et dans le cinéma, comme en littérature ou en peinture, il y a des classiques. Pascal Bonitzer et Thierry Jousse, merci. Nous allons donc écouter les archives qui composent la première partie de cette deuxième nuit spéciale Cinéma des Cahiers. Dans un instant, spécial Jean Renoir proposé par Philippe Hainaut pour Ciné Magazine en 1974. Jean-Marie Straub et Daniel Huillet au micro de Claude Jean-Philippe dans Cinéma des cinéastes en 1976. Et juste avant de nous retrouver pour la suite de cette deuxième nuit spéciale Cinéma des Cahiers, nous écouterons Marguerite Duras au Festival du Jeune Cinéma d'hier en 1979, interrogée par Michel Borin. Nous nous retrouverons dans un peu plus de deux heures pour la suite du programme de la deuxième nuit spéciale Cinéma des Cahiers. À tout à l'heure.